bene bene, bene bene, bene bene, bene bene, bene bene, bene bene, bene bene, bene bene. Tereng tereng tereng tereng tereng tereng, și dangă dangă dans ma tête. Je rouge me fais racole au feu par chita. C'est quoi ce bordel là? C'est qui celui-là là? Zamorano ti bacio a Batistuta. Les attaquants au ballon car t'es parti pouca. Gang gang j'fais le mili j'sors la seca seca. J'pose avec ma clope avec mon feka feka. T'inquiète mon ami hijo de puta puta. T'aimes pas ta copine veut nous faire le boussa boussa. Tereng tereng tereng tereng tereng tereng. T'es dingue dingue dans ta tête. Et toute la journée j'pense à tous ces caliméros. Ah j'ai chargé pour les trompeurs. Charanero. Hola hola hello girl. Tu toucheras pas la balle, on te fait la brésilienne. Comment ça se passe dans la ville hein? Bene bene. Belek tu sors une arme sans l'arme de Yema Yema. Bene bene. Bene bene. Bene bene. Bene bene. Chico chico hola hola hello girl. Tu toucheras pas la balle, on te fait la brésilienne. Ah vas-y là. Ouais je fais quoi là? Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, là, saute, je peux pas le faire. Moi, je m'en fous, tu fais quoi? Parce que je te jette. Il est machin? Tu peux pas me le dire? Ouais, c'est en merde. Toujours pas. Ok. La prochaine fois c'est pour votre cul les petites salopes. Bande de fils de pute. Vous allez voir. Bene bene bene bene bene bene. Derrière la fumée, j'aime voir disparaître sa beauté. Ah washa washa washa washa policier. Ah washa washa washa washa madre mia. Pieds sentent comme un bouquet, les miens sont bourreloqués. Le monde où nada, le monde où nada. J'habite au troisième étage, à Moulin Galant. Oh, faut bouger là. Le petit est à Poucave, le petit qui a la balafre. Je t'avais dit par Haga, gros, il est à Poucave, il est parti de Poucave, faut qu'on staille, frère. Voilà, faut stailler tout de suite. mon pote. Ouais, on a une galère là. Comment ça, on a une galère? Eh, c'est pas ma faute. Tout à l'heure, tu m'as passé le kiosque. Moi, j'ai fait ce que vous m'avez dit de faire. Hein. Et ces bâtards, je les ai croisés, ils m'ont attrapé, ils m'ont piétiné. Mais de qui tu parles, Koto? Qui sont là, ces bâtards? Ils m'ont niqué, ils ont pris que ça. Qui ça, ouais, putain là? T'as chez Benet. On s'en fout, chez Benet. Vas-y, démarre, on y va. Partout.